Désiré Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. 5 personnes sont mortes et 3 autres alitées dans l'urgence de l'hôpital Kayanza suite à la consommation d'une boisson alcoolisée non certifiée dite dodo liqueur. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'UCOM, estime que la journée nationale de la commune célébrée le premier samedi du mois d'août devrait être une occasion pour les dirigeants de reconnaître que l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers et cela pour le bien du développement du pays. La Fédération burundaise de padel a organisé ce week-end un tournoi d'été dans toutes les provinces du pays dans le but d'évaluer le niveau des joueurs de l'équipe nationale. Et puis, vous aurez droit à la revue de la presse. Albert Ndouayo assure la mise en onde. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 5 personnes sont mortes et 3 autres sont alitées dans l'urgence de l'hôpital Kayanza pour cause de la consommation d'une boisson alcoolisée, dite dodo liqueur, dernièrement suspendue au marché par le bureau burundais de normalisation BBN parce que non certifiée. L'administration communale de Kayanza dit prévoir conjointement avec la police des fouilles de ces boissons. Godefroy Nyonizigi, administrateur communal de Kayanza, appelle la population de ne plus consommer de telles boissons pour le bien de leur santé. Patrick Senghiumva. Certains de ces personnes alitées dans l'urgence de l'hôpital Kayanza après avoir consommé une boisson alcoolisée dite dodo liqueur contactée quand nous les avons rencontrés dans cette structure de soins, nous ont fait savoir qu'une bouteille de dodo qui coûtait ces derniers jours 3500 avant d'être suspendue au marché a été achetée frauduleusement à 1000 francs et qu'ils en ont pris trop. Quant à leur demande à qui ils ont acheté cette boisson alcoolisée dite dodo liqueur, ils se réservent de tout commentaire pourtant. Ceux qui sont encore en vie parmi les consommateurs de cette boisson dodo et qui sont à l'hôpital Kayanza pour subir des soins ont été attaqués par la cécité à cause de la consommation excessive de dodo liqueur. Interrogé l'administrateur communal Kayanza, celui-ci nous en fait savoir qu'il est au courant que certains des commerçants ont fait fuir certaines des boissons alcoolisées dernièrement suspendues au marché. Godefroy Nyonizigi indique que conscient des effets de ces boissons sur la santé de la population, il met en garde quiconque sera attrapé dans le trafic et la commercialisation de ces boissons. Cette autorité administrative Kayanza interpelle la population qu'il dirige a cessé avec la consommation de boissons très alcoolisées. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanga. Merci Patrick Nsengiumva. En date du 29 juillet cette année, le bureau burundais de normalisation BBN a annoncé que cette boisson alcoolisée dodo liqueur n'est pas certifiée et suite à ces travaux de surveillance du marché, des cartons de la dite boisson ont été saisis dans un point de vente de Kanyosha et que les enquêtes continuent en vue de connaître son producteur. Santé, le Burundi est le seul pays africain à avoir déjà bénéficié des échanges et d'expériences du personnel soignant avec les militaires américains. Annonce est faite ce vendredi par le docteur Frank Kavabushi du département de défense et au sein de l'ambassade des États-Unis au Burundi. C'était lors de la clôture de ses activités à l'hôpital militaire de Kamenge pour la deuxième fois. Pour lui, c'est une bonne opportunité car face aux défis que ses visiteurs rencontrent sur terrain, les Burundais peuvent avoir une autre chance d'être appuyés en vue d'améliorer la qualité des services de santé suivis. Ça a été une opportunité pour les prestataires de soins américains d'être au courant des défis que nous avons par rapport aux équipements pour pouvoir offrir des soins de meilleure qualité. Ça a été une opportunité pour eux d'apprendre qu'ils peuvent faire beaucoup de choses avec peu de moyens. De notre côté, au Burundi, nos techniciens, par exemple, qui sont chargés de la maintenance et la réparation des équipements, ils ont pu apprendre pour m'assurer une meilleure maintenance des équipements, mais aussi de réparer des équipements qui ne fonctionnent pas. Ça va améliorer la qualité des services qui sont offerts par les prestataires de soins ici à l'hôpital des militaires de Kamenge. Puis aussi, ça a été une opportunité pour les Américains de voir qu'il y a un gap en termes d'équipement. Et ils pourront faire le plaidoyer. En termes de perspective d'avenir, par exemple, ici, c'était le deuxième exercice. Le premier avait eu au cours de cette année. Et c'est seul le Burundi en Afrique qui a eu cette chance de bénéficier de deux exercices du genre. Chaque exercice montre les lacunes qui n'ont pas pu être comblées. Et ça s'est tenu en compte pour sélectionner les profils des prochains exercices. Sanganiro, la radio de l'avenir. Nous poursuivons avec cette édition célébration ce samedi de la journée nationale de la commune à travers tout le pays. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, trouve que cette journée doit être une occasion aux dirigeants de se rendre compte qu'il faut outrepasser leurs intérêts particuliers dans l'exercice de leurs fonctions. Le président de l'OLUCOM le dit ce samedi lors de cette journée célébrée le premier samedi du mois d'août. Gabriel Ulfili trouve que cette journée doit réunir tous les natifs sans exception pour la bonne planification des programmes de développement de leur commune. Gabriel Ulfili, président de l'OLUCOM. Le Burundi a initié la journée, donc la fête nationale des communes. C'est quand même quelque chose d'important. Nous pensons que le faire, c'est une bonne chose. Pour nous, c'est une fête d'abord qui rassemble les gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils peuvent discuter des projets et programmes. Donc, c'est important que la commune soit le moteur du développement. Malheureusement, nous constatons avec regret que c'est le parti au pouvoir ou les membres du parti au pouvoir, surtout les administrateurs, qui organisent ces fêtes. Mais nous voyons que dans la plupart des cas, c'est les membres du parti au pouvoir qui gouvernent. Donc là, c'est vraiment problématique. Nous pensons qu'il est extrêmement urgent que les choses se fassent d'une manière transparente, mais aussi inclusive. Il faut que tout le monde y participe pour que la cohésion et le développement soient d'abord les premières priorités que nous devons mettre en avant. Donc, c'est extrêmement cette fête pour le développement et la cohésion sociale. Et sport à présent, la Fédération burundaise de padel a organisé ce week-end un tournoi d'été dans toutes les provinces du pays. Claude Manirambona, vice-président de la Fédération burundaise de padel, fait savoir que ce tournoi s'inscrit dans le cadre d'évaluer le niveau des joueurs de l'équipe nationale et détecter des talents pour les jeunes. Il appelle les amateurs de ce sport de venir massivement assister à cette compétition. Suivez. La Fédération de padel a organisé un tournoi ce week-end qui a débuté ce vendredi pour prendre feu le dimanche. C'est dans le cadre d'évaluer notre équipe nationale, d'évaluer aussi le niveau des amateurs. Et c'est dans ce sens-là qu'on a organisé un tournoi pour cette optique-là. Les catégories qu'on a, c'est trois catégories. Il y a la catégorie des professionnels, donc les joueurs de l'équipe nationale du Burundi. Il y a aussi la deuxième catégorie des amateurs. Il y a la catégorie des hommes et la troisième qui est la catégorie qui est mixte, donc hommes et femmes. L'objectif donc c'était voir où on en est avec le padel au Burundi et tout ce que on peut faire pour que donc le niveau du jeu de padel évolue. Et concernant les prix aussi, donc on a des prix qui sont différents. Les premiers vont avoir des prix, des coupes et des prix spéciaux qui vont accompagner les coupes. Et donc dans les deux catégories des amateurs, ça sera les coupes et les prix spéciaux. Que pour les catégories des professionnels, donc les jeux de l'équipe nationale, ça va être un peu spécial. Eux, ils vont jouer pour l'argent, on va leur donner l'argent, donc des enveloppes. Et l'appel qu'on peut faire, c'est toujours l'appel à la nation burundaise pour qu'elle vienne jouer le padel, pour qu'elle vienne toucher la balle du padel, pour enfin donc faire améliorer le jeu de padel et l'évolution. Et aussi, on appelle les investisseurs nationaux à venir nous soutenir. Ainsi s'achève cette édition, mais je vous en rappelle les titres. 5 personnes sont mortes et 3 autres alitées dans l'urgence de l'hôpital Kayanza suite à la consommation d'une boisson alcoolisée, non certifiée, dite dodo liqueur. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, estime que la journée nationale de la commune célébrée le premier samedi du mois d'août devrait être une occasion pour les dirigeants de reconnaître que l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers et cela pour le bien du développement du pays. Et puis la Fédération burundaise de padel a organisé ce week-end un tournoi d'été dans toutes les provinces du pays dans le but d'évaluer le niveau des joueurs de l'équipe nationale. Albert Ndouaïo assurait la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, revue de la presse. Alain Désiré, Boukeneza. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Bururi, libération provisoire de 26 détenus, rapporte Iwachu. Cette opération de relaxation à titre provisoire de détenus s'est déroulée dans l'après-midi de jeudi 1er août 2024 à la prison centrale de Bururi, au sud du Burundi, précise ce journal. D'après Frédéric Ndayikeza, procureur de la République dans cette province, poursuit ce confrère, cette libération a été faite après une inspection collégiale faite par le parquet de Bururi du 25 et 31 juillet à cet établissement pénitentiaire. Et c'est dans le cadre du désengorgement des prisons, précise-t-il. Cette libération provisoire a eu lieu en présence d'une délégation de la CNIDH, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Cet hebdomadaire fait remarquer que la prison de Bururi compte 550 détenus alors que sa capacité d'accueil est de 250 prisonniers. 20 ans de servitude pénale principale et la condamnation qui a été infligée à une femme accusée d'avoir tué un homme avec qui elle était en concubinage, rapporte l'agence burundaise de presse, qui précise que c'était dans un procès de flagrance du 31 juillet au tribunal de grande instance de Bubanza et que ce forfait a été commis le 23 juillet de cette année. Selon Net Presse, le mobile de cet assassinat est que le jeune garçon a présenté à sa concubine la fiancée qu'il allait prendre en mariage. Celle-ci aurait juré qu'elles allaient toutes le perdre au lieu de l'abandonner. La femme accusée dans sa défense a demandé pardon, arguant qu'elle n'avait pas l'intention de le tuer. Pour elle, une bagarre a eu lieu entre eux et le défunt avait l'intention de la poignarder. C'est ainsi qu'elle l'a désarmé et l'a tué à son tour, par simple réflexe de légitime défense. Mais elle n'a pas convaincu, selon des informations proches de ce dossier, d'après Net Presse. Net Presse et l'ABP signalent également que la victime et sa concubine avaient déjà ensemble un enfant d'une année. Sur un tout autre point de la justice, relève ce quotidien en ligne, les syndicalistes du milieu enseignant ne cessent d'exiger la libération de l'ancienne secrétaire du lycée Christ-Roi de Gitega, Emilienne Sibomana, qui reste en prison après près d'un mois de sa libération par le juge d'appel. Net Presse rappelle qu'elle avait comparu le 28 juin dernier et le jugement de son acquittement avait été prononcé le 2 juillet suivant. Revue de la presse. Irrégularité dans le processus de recrutement des enseignants, les directions communales et provinciales sont impliquées, constate le ministre de l'Éducation nationale, repris par le journal Burundi Echo. En effet, François Vyarimana a révélé que les directeurs communaux et provinciaux de l'enseignement étaient les auteurs des irrégularités qui avaient été observées dans le processus de recrutement des enseignants l'année écoulée. Selon son confrère, il a annoncé une réforme pour laver le linge sale. Pour éviter ces spéculations, mais aussi pour réduire le coût de passation du test de recrutement des enseignants, le ministre Habyarimana a informé le public qu'il n'y aura pas un test de recrutement cette année. Il a précisé, toujours dans les colonnes du journal Burundi Echo, que les enseignants qui seront recrutés pour l'année scolaire 2024-2025 seront retenus parmi les candidats au test de recrutement de l'année dernière. Toutefois, il a tenu à souligner que sur les listes où tous les candidats ont été embauchés, alors qu'il y a un besoin, il sera nécessaire de donner un autre test de recrutement, précise encore cet hebdomadaire socio-économique. Éducation toujours avec la voix de l'enseignant qui note que le retard dans la correction de l'examen d'État édition 2024 inquiète plus d'un. Auparavant, souligne ce journal, la correction était prévue pour commencer le lundi 22 juillet 2024 pour être reportée sans aucune justification 29 juillet 2024. Les enseignants préposés à la correction demandent toujours les nouvelles à travers les réseaux sociaux sans pouvoir en obtenir. Les plus informés auprès du ministère de l'Éducation craignent que les frais alloués à cette activité ne seraient pas disponibles, écrit cet hebdomadaire de l'Éducation. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.